la haie de sapin. Il y a un combat sans fin entre le liseron et le plantain. Dans mon jardin, sur le mur en parpaing, le lierre et le jasmin veulent toujours jouer au plus malin, au plus malin. Le bon matin, moi je m'allonge dans mon jardin. Parmi les monstres végétariens, j'ai de la rose et plein les mains. Les fourmis font le train, les scarabées se font des câlins, les coccinelles se font des copains. Mais ça, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Les jolies fleurs, je les jalouse. Je me fais coiffeur pour la pelouse. Pelouse. Et cette toile d'araignée sous la rosée ensoleillée, il faudrait la photographier, la mettre dans un calendrier. Non, j'en reviens pas, y'a plein de monde qui vit là. La nuit y'a même des hérissons et des chats qui se donnent des marrons dans mon jardin. Dans mon jardin, je suis géant comme Gulliver. C'est comme visiter la jungle dans les pages de tout l'univers. Dans mon jardin, y'a sûrement des coupeurs de tête. Y'a plein d'idylles, plein d'amourettes, plein de brigands, de troubles faites. Les jolies fleurs, je les jalouse. Je me fais coiffeur pour la pelouse. Je me fais barbier pour le poirier et braconnier dans le cerisier. Les voisins sont juste derrière les parfums. Ils sont presque à portée de main. Je les entends couper le pain. S'il n'y avait pas de voisins, on ferait l'amour dans le lupin. Ça ne se fait pas, ce n'est pas bien. Peut-être à 3 heures du matin. Il est tout petit mon jardin, pas plus grand que ma maison de parpaing. On entend aboyer les chiens et parfois même siffler le train. Oh, j'aime tellement ce qu'il y a autour de mon jardin. Partout ça grouille d'êtres humains dans les petits jardins citadins. Les jolies fleurs, je les jalouse. Je me fais coiffeur pour la pelouse. Je me fais barbier pour le poirier et braconnier dans le cerisier. Ici on m'enterre sans dorure, sans planche de sapin. Mes muscles, mes yeux, mes viscères seront l'engrais de mon jardin. Quel merveilleux festin, messieurs les vers de terre. Et oui, tel est mon destin, pour toujours me mettre au vert, être jardin. Messieurs les coléoptères, quand je serai devenu jardin, le gazon sera toujours vert. Les insectes et les gamins, les petits vieux avec leurs chiens, et parfois même les gens bien, et parfois même les gens bien.